passé la plupart de mon temps solo. Je savais même plus sur qui compter. Je lâche petit à petit mes fardeaux. Pour la famille, il fallait. Du coup, j'ai taffé, plus fait gaffe aux sournois. Je dois mener ce ballon, je me crois dans un tournoi. Oppressé, je me recentre sur moi. Je m'évade et je prends les bons côtés de la vie. Elle est l'éteri, elle est l'éteri. Oh oh oh. Du coup, je vis. Elle est l'éteri, elle est l'éteri. Oh oh oh. Maintenant, je me prends plus la tête. J'ai réussi à zapper les blés, pro. Ceux qui me tracassent, je tire un trait. À mon tour de savourer cette vie de rêve, j'fais la vie de rêve, c'est la vie de rêve, yeah yeah. Laissez-moi savourer cette vie de rêve, j'fais la vie de rêve, c'est la vie de rêve, yeah yeah. Laissez-moi savourer cette vie. J'en ai mangé des pierres aujourd'hui, maman en est sorti, elle a mis mon nom dans ses prières aujourd'hui. Savourer cette vie.